a sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gomozo 107 FM, bienvenue sur nos ondes et merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radiogomozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour être à l'écoute et merci à tous pour vos nombreux commentaires sur la publication de cette semaine. Plus de 500 personnes ont aimé notre page. Bonjour le Québec, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Bonjour la technique. Bonjour Lia. Bonjour à tous. Ça va bien Lia? Ça va bien, ça va bien. Voilà, il y a le soleil dehors, puis je retrouve mon rayon de soleil aussi à la technique, c'est bien ça. Ah, il faut que je fasse à chaque fois. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, comme chaque jeudi, je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 et en live Facebook, c'est pas rien. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, l'émission sera remise en podcast sur la page de la radio en ce qui concerne bien sûr donc, l'audio. Et puis vous pourrez aussi bien sûr revisionner le live Facebook. Pour cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami artiste Denis Simon qui nous fait le plaisir d'être dans nos studios cet après-midi pour nous présenter son nouvel album « Les gars de la Maurine ». C'est tout un programme. Alors Denis nous vient de la région Alsace, Colmar. Il est accompagné avec sa choriste Cyrielle et puis sa fille Louane. Alors bienvenue à vous. Avant de les rejoindre, donc n'hésitez pas à nous faire des petits coucous par message sur nos messages Facebook de nos pages respectives de la radio Radio Gamozo et sur le site Gilmougel officiel. Je vous attends nombreux aussi au standard au 03 29 62 40 40. N'hésitez pas à nous appeler, nous faire un petit coucou et interagir avec notre invité que je retrouve maintenant. Bonjour Denis. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Bonjour à toutes et tous. Je vais très bien. Merci beaucoup. Et toi? Ça va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Bonjour à toutes et tous. Et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous les amis Facebook. Salut les loulous. Ouais. Et voilà. Donc, nous allons passer une heure et demie ensemble. Une heure et demie ensemble. Oui, c'est très, très, très bien. Ouais. Bonjour Cyrielle. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça va? Très bien, vous? Mais merci, ça va bien. Tu peux me dire tu, il n'y a pas de problème. Ça marche, ben ça va très bien et toi? Ça va bien. Il n'y a pas de souci, merci d'être venu. Voilà, accompagné Denis. Et puis, bon, bien sûr, il y a Louane. Hein. Alors, Louane, j'ai le plaisir de la revoir aussi. Comme je disais tout à l'heure en aparté, elle a grandi. Hein. Elle a grandi, bien sûr. Puis, c'est normal. Ouais. Hein. C'est normal. Puis, donc, tu es bien accompagné, Denis. Hein. Ah oui, là, aujourd'hui, je suis bien très bien accompagné. Peut-être une garde du corps. Louane, garde du corps. Louane, garde du corps. Oui, et Cyrielle, c'est le comique de service. D'accord. Oh, bah, quelle image. elle est plutôt flatteuse parce qu'aujourd'hui, les gens sont assez tristes. C'est clair. Et, non, mais c'est aussi bien comme ça. Oui, vrai, mais Cyrielle, c'est bah moi, je me bats pour le sourire. C'est bien, c'est du bonheur, c'est du plaisir. C'est une pile électrique. Ouais, d'accord. Vraiment. Mais c'est quand même mieux un sourire. Ça coûte rien surtout. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et puis voilà, c'est comme je dis toujours, ben, y a tellement qui font la tête hein, pour être. Voilà. On peut dire la gueule. On peut dire la gueule aussi. C'est du français aussi. ça part bien. Qu'est-ce qui se passe à la vidéo là-bas? Il n'y a plus de quoi? Bah, bonjour. Ah bon. Voilà donc, Denis, cette nouvelle. Alors, j'ai eu le plaisir de te recevoir une première. Enfin, une première fois, on a fait une émission. En phoneur, oui. Tous les deux, oui. Lors de tes précédents albums. Nous avons fait aussi une émission en live, oui. Hein, puisqu'on n'était pas. Enfin, moi, je sais que je n'étais pas rassasié par rapport aux chansons. Et puis, tu es là aujourd'hui après-midi avec nous. Oui. Donc, ça fait la troisième fois. C'est la troisième fois qu'on se voit. Oui. Donc, Denis, il prend un abonnement. C'est pas mal. Et puis moi, je touche le chèque. Non, voilà. Non, mais je veux dire que le ton est donné. Radio Guémozon est une étape obligatoire, je dirais, pour nous autres artistes. C'est vraiment, c'est là où il faut passer. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce nouvel album, Denis, Les Gars de la Maurine, que j'ai dans les mains, là, voilà, on fait un petit coucou hein, à nos amis, voilà. Alors là, j'ai été choqué. J'ai été choqué. C'est vrai. Connaissant le chanteur romantique. Et là, j'étais choqué quand j'ai écouté ces chansons-là et puis les textes un petit peu coquins, un petit peu, mais c'est pas sans vulgarité, on va dire. Oui, oui. J'ai été choqué, je plaisante, bien sûr. Quelquefois, on frise quand même le. Ouais. Non, mais il y a des choses extraordinaires. Avec et les tournes d'eau, quoi. Ouais. Elle nous a fait une parodie tout à l'heure en venant dans la voiture. D'accord, d'accord. Sur les gars de la Maurine. Alors, je peux te dire que j'ai beaucoup ri. Peut-être que Siri, elle nous fera peut-être une autre version. Ben, elle, peut... elle a des talents de compositrice. Si, non, mais le souci, c'est que s'il y a des enfants qui nous écoutent, je pense que ça va pas aller. Oui, d'accord. Bon, là, il est 16h, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr, puis c'est les vacances. Non, vacances, en fait. Surtout. Oui, c'est les vacances. Vacances ouais. C'est vrai, oui. Oui, donc. Non, mais je plaisantais quand j'étais choqué. Oui, oui, mais on me l'a dit souvent parce que les gens me. Catalogué dans une image romantique, dans une couleur de musique romantique. Oui, c'est ce que je suis, effectivement. Mais donc, tu connais un peu mon parcours, je l'ai bien déjà sûr. Expliqué. Oui. J'ai perdu ma mère il y a deux ans et demi. Oui. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ma carrière parce que voilà, j'avais plus la force. Je ne voulais plus. Voilà. Parce que c'est pas facile quand pour faire la musique, il faut être bien, faut être bien dans sa tête. Doute, voilà. Et en fait, j'ai complètement arrêté et voilà, j'ai laissé passer le temps et un beau jour, c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. Un beau jour, j'ai changé ma photo de ma page d'accueil de mon Facebook. Oui. Mmh. Et une dame âgée a mal compris, elle pensait que j'allais revenir. Ouais. Et donc, ce n'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Et donc, elle a envoyé un premier commentaire sur « Ah, Denis, vous allez revenir, machin, vous êtes très bien, on est content. » Voilà. Ouais, et, puis, et quelques minutes après, il y avait le feu. Il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup, beaucoup, de beaucoup, des centaines et des sûr, centaines ouais. de commentaires et des likes, et etc. Et puis bon, ça m'a fait réfléchir quand même. Oui, bien sûr, je me doute. Voilà. Oui, et effectivement, j'ai pris la décision le même jour. Ouais. Le même jour, j'ai pris la décision de revenir. D'accord. Mais je voulais plus revenir sous cette forme-là, sous cette couleur musicale. Couleur je voulais faire autre chose. Et donc j'ai appelé Thierry, mon ami parolier, et je lui ai annoncé la nouvelle. Donc j'ai dit, écoute Thierry, je vais refaire quelque chose, mais pas sur cette forme. Et donc je lui ai expliqué. Puis voilà. Donc on est parti dans cette voie-là. Et j'ai écrit deux jours après. J'ai commencé à écrire. D'accord. Ouais. Et j'ai écrit une première chanson qui est donc Ola sur mon bateau. Ouais. Donc je lui envoie la musique. Il me fait les paroles. Et voilà. Et donc, on savait là ce qu'on allait faire sur cet album-là. Tenir quelque chose. Voilà. Et ensuite, j'ai continué à écrire et j'ai sorti donc Les Gars de la Maurine. J'ai écrit Les Gars de la Maurine. Et là, on savait qu'on allait tapé très fort, on savait la ligne à suivre, et on savait que c'était Les Gars de la Maurine, le titre phare, de l'album. Et donc cet album, je l'ai composé en 3 semaines, Thierry en a fait de même, nous étions comme dans un état de grâce, tu vois, comme porté par quelque chose, parce qu'on avait, un but, on avait des choses à dire, parce que quand un artiste n'a plus rien à dire, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il se taise, faut qu'il passe à autre chose. Et là, on avait des choses à dire sous une autre forme, avec une autre couleur musicale, parce que je ne voulais plus chanter le côté romantique, le côté sentimental. Je ne voulais pas faire pleurer sur cet album. Faire pleurer sur cet album-là. Et c'est pour ça que je l'ai dédié à l'ambiance, à la musique, à la danse, à la folie. Voilà. Ça marche bien. Hein, ça, c'est du feu de Dieu. Alors, juste la petite question. Tu n'as pas peur, Denis, donc, de dérouter un petit peu tes anciens fans, enfin, les personnes qui te suivent dans l'univers romantique? Mais pas du tout, parce que ça a très bien démarré, je n'ai loupé aucune vente, les gens qui sont fidèles à un artiste, ils achètent leurs albums, ils restent fidèles. La musique, c'est ça. Et je ne sais pas avec quoi je vais arriver la prochaine fois. Je vais travailler maintenant avec cet album-là. Je ne sais pas avec quoi je vais arriver la prochaine fois. Peut-être on continuera dans ce style, peut-être je vais revenir avec des chansons romantiques. On ne sait pas toujours. Bien sûr, puis c'est tout frais, ça. C'est tout frais. Il est sorti quand, cet album, réactions, au mois de février. Et je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu autant de réactions. Avec aucun album, j'en ai sorti 18, avec aucun album qu'avec celui-là. D'accord. Parce qu'on m'a appelé de partout, ils veulent nous avoir partout, ils veulent nous avoir dans les télés en Bretagne, dans le sud, dans le machin. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc, et donc les télés, quand ils te proposent de faire une interview ou une émission, ils te donnent une date. Malheureusement, cette date ne correspond pas toujours à ta disponibilité. Bien sûr. Et tu ne peux pas laisser tomber un autre projet pour autre chose. Ouais. Mais bon, que ce soit au niveau des organisateurs, ça réagit très très bien. Je n'ai jamais eu autant de réactions, c'est du feu de Dieu. D'accord, c'est vrai que c'est ça bouge bien. Ça bouge bien, donc, c'est autre chose. Je te propose, Denis, tout de suite qu'on écoute le titre éponyme de cet album. Oui. Les Gars de la Maurine. C'est parti. En avant les gars, en avant les gars de la Maurine, prépare les bancs, les barriques, les tonneaux, qu'on y pose nos culs. Et en avant les gars, en avant les gars de la Maurine, dans l'océan on a assez bu d'eau, fait péter les fûts. Voilà, les gars de la Maurine. Ça démarre fort, hein, c'est vrai. Oui, ça met le feu, oui. Ça met le feu, hein. Oui. Alors, non, il faut dire que ce titre est clippé, hein, le clip sur YouTube. Oui, le clip est sur YouTube, qui a été supprimé par... Oui, c'est cette histoire-là. Ça a été supprimé sur mon Facebook et sur YouTube, je ne sais pas par quelle magie. Et surtout, je ne sais pas quel est le magicien qui a réussi à faire ça. Comment faire pour je ne sais pas. C'est vrai que c'est... Voilà, donc... Faut déjà être... Faut être... Mais c'est faisable. C'est faisable, ouais. Parce que je me suis renseigné après. Ouais. Effectivement, il y a des gens à qui c'est déjà arrivé. Oui, d'accord. Et il y a des gens qui savent le faire, qui ils sont surtout équipés. D'accord. Ouais. Alors, la jalousie, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais bon, bref. Non, mais c'est parce qu'ils m'ont vu et du coup. Non. La jalousie, il y en a toujours, tu sais. Oui, il y en a toujours. Non. Au contraire, Cyril, je pense que moi, j'aurais pas supprimé YouTube, hein. Le clip. Ça doit être un de mes ex, hein. Moi, Peut-être un de tes ex. Ah, je suis désolée. Oh mince. Alors, Denis, donc, oui. j'ai un petit message. J'ai reçu des petits messages avant qu'on démarre l'émission. J'ai un petit message de Cassie Cassandra. Oui. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai pas eu. Oui. Alors, c'est une chanteuse. Oui. Cassie Cassandra. Donc, elle m'a mis un petit mot. Elle m'a mis un petit message. Voilà. Et donc, je ne vous dirai pas ce qu'elle m'a mis parce que c'est personnel. C'est personnel. Oui. Je plaisante. Non, des cachotteries, Gilles. Tu commences par des cachotteries. Non, parce que je vais me faire disputer là. Alors, Cassie je profite de ce petit message pour faire un gros bisou à mon ami Denis Simon, ainsi qu'à sa charmante princesse Louane. Oh. Et le bonjour à sa choriste. Eh oui, elle n'a pas oublié. Merci. Mille bravo à vous. Donc voilà, merci, c'est Cassandra. C'est très gentil, Cassandra. On se parlait très souvent sur Facebook, mais c'est vrai qu'elle a des choses à faire, j'ai des choses à faire, et puis c'est pas facile parce que ça n'arrête plus. Et, on ne peut pas tout suivre, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas. À ton niveau, Denis, je pense que. On ne peut pas tout gérer. On ne peut vraiment pas tout gérer. J'essaie de gérer, de répondre à tout le monde, mais c'est vachement difficile. C'est pas évident. Moi, je sais que avant de venir au studio, je fais un petit retour sur le Facebook, tu sais, pour voir si j'ai pas oublié quelque chose, si j'ai pas oublié un petit message, tu vois, des petites choses comme ça. Oui. J'aime bien les annoncer, forcément. Donc, c'est jamais fini, quoi. Il y a toujours. Et un truc engendre toujours un autre truc. Oui, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais. On fait oublier personne, quoi. Je veux dire, c'est des personnes vraiment qu'on connaît, tout ça, des amis. Oui. On veut oublier personne. Non, c'est sûr. Et puis on fait un métier public, donc il faut être disponible pour les gens. Et puis parce que sinon, t'es très vite oublié ou catalogué, donc c'est pas bien. Voilà. Alors les gars de la Maurine, d'où est venue cette idée, et puis composée de ce petit groupe. Eh bien, écoute, c'est parti. Tu peux nous présenter ça, Denis. En fait, c'est parti de cette chanson. Oui, de cette chanson. Voilà. Ah ouais. Et donc, il y a un jeu de mots. C'est Thierry qui a trouvé le jeu de mots. Donc, cette phrase, les gars de la Marine. C'est une chanson ou un film même. Et puis lui, il a fait un petit jeu de mots, les gars de la Maurine. De la Maurine. Donc on a décidé d'appeler le nom du groupe par le titre phare de la Maurine. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai monté un groupe avec des gens formidables. Cyril, elle déménage, elle pète le feu. D'accord. C'est vraiment. Et donc j'ai une deuxième choriste danseuse sur scène qui est Camille, qui est un petit peu plus timide, on va le dire, mais qui apporte aussi beaucoup de choses au groupe. Et donc il y a Fred, il y a Didier, il y a Hervé. Hervé, lui, c'est un ancien de mon orchestre. D'accord. Okay. Lui, il a travaillé 30 ans avec moi sur scène. On a fait près de 5000 prestations. Et voilà, donc j'ai monté cette formation et ce groupe. Mais il faut que je rajoute quelque chose de très important. Ne nous sollicitez pas pour des balles, chers amis, ou des soirées dansantes. Nous ne faisons pas de soirées dansantes ou de balles. D'accord. Nous sommes un groupe. Nous faisons exclusivement des concerts ou des galas. Ouais, bien sûr, des galas. Ouais. Voilà. Mmh. Oui, donc vous êtes... Vous êtes combien? Cinq, c'est cinq. Ça, vous êtes cinq, et voilà. Mais bon, j'ai visionné quand même le clip, on a pu le revoir hein, dernièrement, et, oui. hein, le clip donc, des Gars de la Marine. Marine, oui. Ah ouais, on a pu le revoir. Et oui. puis, alors je veux dire, c'est tout sourire, là, quand on vous voit... Ah, c'est tout sourire non, c'est tout sourire. C'est tout sourire, et c'est... Enfin, les jeunes dames. Voilà. Alors, c'est tout sourire. Ce que je voulais, on a réussi à faire ce que je voulais. Je voulais pas préparer quelque chose. Je voulais pas préparer une chorégraphie. Je les ai pas embêtées, les deux filles. Mais c'est de l'impro complète. C'était de l'impro complète. Des fois mieux. Je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, on ne va pas vous donner un micro, on ne va pas vous faire chanter comme si on était sur scène. Vous faites de l'impro, vous éclatez, et puis voilà, ça s'est plutôt pas mal passé, on a bien rigolé, on a passé une bonne journée. Ouais. Ça a été réalisé dans quel... Ça a été réalisé, oui, dans une salle à Colmar, oui, d'accord, à Colmar même. À Colmar, oui. Ok, d'accord. Oui, avec, on a beaucoup ri avec l'équipe, quoi. D'accord, mais je me doute bien. C'est vraiment un pur bonheur. Mais ça s'entend, hein, dans les chansons et tout, et puis bon, quand on voit le clip, ça se voit. Ah, je veux dire, tous ces visages comme ça, quand on regarde le clip et tout, ne vous inquiétez pas. C'est pas moi. C'est le portable qui c'est vibre. C'est pas moi. Non. Non, mais il y a une joie de vivre. Oui, bien sûr. Permanente. C'est-à-dire qu'on est content de se retrouver. Tout à l'heure, Cyril est venu à la maison, on a bu un café. Déjà là, c'est parti, tu vois. On était déjà dans l'ambiance, tu vois, et c'est ça qui est vachement bien. C'est ça qui est formidable, voilà. dans un groupe aussi, de trouver une harmonie, tous ensemble et tout, je pense que c'est bien. Et on est d'accord sur beaucoup de choses, on est... Bon, Cyril n'est pas... Ou prêt. Pas, mais on dit qu'on est d'accord. Oui. Cyril n'est pas contraignant, voilà, elle n'est pas contraignante. Moi j'ai une question à Cyril. Oui, vas-y, je vous laisse parler un peu. Il est pas trop dur le patron, non, ça va? Ah non, si je peux avoir des patrons comme ça dans toute ma vie, c'est bon, je prends. Après, il est exigeant. Ah, c'est ce qu'il faut. Si on veut avoir quelque chose de très bien réalisé, il faut être exigeant, tout à fait. C'est vrai, ouais. Alors, moi, je vous propose d'écouter une autre chanson. Alors, tu verras, bien sûr, je t'ai écouté. Je t'ai écouté sur BLC, je t'ai écouté sur j'ai oublié de refaire un petit coucou en fait sur chez Mado, Puisalène, BLC. BLC, ouais, t'as écouté également à RCB et puis à... Non, j'ai pas écouté Denis, non, j'ai pas écouté. Et il y a Radio Saint-Nabor, enfin bon, il y a eu toutes les grandes radios ont été couvertes. Quoi. D'accord, ok, ouais. Donc alors si tu veux, j'ai un petit peu bouleversé la playlist, tu vois, j'ai pas mis la même chose, hein, mais bon, on entendra bien sûr principalement quand même. Les chansons qui... Tu as choisi ce qui te plaît? J'ai choisi ce qui me plaisait. D'accord. J'ai toujours ça, tu vois, j'écoute, mais bon, il y a longtemps, je l'avais, j'ai écouté, j'avais déjà ça en tête, même sans écouter. T'écouter sur les autres radios, j'aurais de toute façon, Mais bon, je voulais leur faire un petit coucou, donc Mado, Martial... Qui nous écoute. Et Martial, et puis donc Laure de Puisalène. Et je voulais aussi faire un petit coucou donc à Jean-Michel de BLC dans le Nord, Roselyne et puis Lisiane aussi et Nicolas, que je connais aussi, et Nicolas bien sûr, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas à BLC. Si je peux me permettre, je voudrais également passer un bonjour à Claudie et à Mado de Radio RCB. On a fait des gros schmoutz. Et Radio Saint-Nabor également, hein, toute l'équipe de Roland, Bernie, Denis, Véronique, enfin toute l'équipe. Voilà. Bon, pardon pour toutes les autres radios que j'ai oubliées. Je pense aussi à Emmanuel. Emmanuel, donc de Radio Lovestar. Je lui fais un bisou aussi. D'accord. Elle est très, très, très sympa aussi, voilà. Voilà, je voulais dire ça quand même, parce que voilà. Et puis comme tu disais, peut-être on en oublie un petit peu, mais voilà. Hein, c'est... Faut pas oublier. Alors, quand vous étiez enfant, je sais pas, Lia, Patricia, ça vous connaissiez, Heidi? Oui, excuse-moi, Lia, je te prends de court. Ah, un petit peu. Comme tu étais petite, tu connaissais Heidi? Tout à fait. Hein, tu sais, Heidi, petite fille des montagnes. C'est ça. Alors là, on va entendre une version, une nouvelle version, donc signée sur la composition de Denis Simon. Sur les paroles Thierry Brenner, donc on s'écoute la nouvelle chanson d'Heidi. Je J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne, et Yukaïdo. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne bientôt. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne, et Yukaïdo. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne. Un jour je t'en ai fait la promesse. Demande un peu là-haut au chamois. Le planter de drapeau en souplesse. Dans ta meule des montagnes, c'est pour moi. Je prendrai la fuite sur le tire-fesse. Ton grand-père ne me rattrapera pas. Heidi, si tu m'entends, ma Suissesse. Lâche tes pâturages et rejoins-moi. Même la bouche remplie de tes bons chocolats. Dans les Alpes suisses des cuisses on se fera. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne. L'écho dans la montagne, et Yukaïdo. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne. L'écho dans la montagne bientôt. De tes bons chocolats dans les Alpes suisses des cuisses on se fera. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne, et Yukaïdo. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne bientôt. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne. J'irai hurler ton nom avec l'écho dans la montagne, l'écho dans la montagne. Oh, oh. Voilà la nouvelle chanson d'Heidi. C'est sympa, Denis. Ah, voilà, c'est... Merci. Ouais, ouais. Alors, je pensais d'ailleurs, je t'en avais parlé déjà en aparté. Sur l'ensemble de ton album, je trouve qu'il y a deux, trois chansons qui fonctionneraient bien en Allemagne. Est-ce que je me toutes trompe. Fonctionneraient oui, bien. Oui, toutes. Toutes. Mais il y en a, il y en a. Oui, il y en a plusieurs qu'il y en a qui accrocheraient. Peut-être deux, trois que j'ai, ou ouais. qui m'ont plus accroché. Oui. Mais pour le marché allemand, oui, ça serait, je pense que ça serait pas mal. Oui, bon, on les attend, les Allemands. On les attend. D'ailleurs, je connais un monsieur. Moi, je suis capable de faire les. Je suis aussi auteur. Ah oui, bien sûr. Oui, tu es auteur aussi. J'écris aussi en allemand. Hein. Oui, oui. Ja, natürlich. Le Sprich Deutsch, c'est rien. Ein bisschen. C'est une vraie Alsacienne. Hein. Oui, d'accord. C'est une vraie. Je tiens à préciser que je parle six langues, hein, quand même. Ah ouais, pas que l'allemand, du coup. Ouais, okay. Oui, Denis, donc oui, je me souviens que d'un album que tu avais fait en allemand. Oui. Hein, quand on oui, s'est oui, connus, oui, tu oui. m'avais fait parvenir cet album-là. Ben, on est en train d'en parler avec Thierry pour les faire. Parce que je n'ai pas le temps de les adapter en allemand. De les adapter en allemand. On va faire appel à un adaptateur français qui maîtrise l'allemand. Moi, je sais, quand je l'ai écouté, bon, comme tu dis toutes, je te crois, bien sûr, mais moi, il y en a deux, trois qui m'ont accroché un peu plus, tu vois. Dis-moi. Je me suis dit. La nouvelle les gars, chanson les gars de la Maureen, de toute façon. Les gars de la Maureen, bien sûr. Oui. Lorelai. Oui. Et puis, ben, merci pour tout. Je pense qu'aussi, c'est tout une à belle fait. Marche. Bon, on reconnaît là le grand professionnel que tu es. Merci, Denis. C'est gentil. Non, mais je pense que les Allemands aiment bien ce genre ah, de oui, chanson-là. Oui, hein, ils aiment danser. Ils aiment... Alors là, Denis, j'ai une petite surprise pour toi. Tu écoutes, oui. Et tu écoutes, et puis après, tu... D'accord. Voilà. Donc, une petite surprise pour toi. Bonjour, cher Denis. C'est avec un immense plaisir que je viens te faire un coucou dans l'émission. Toutes mes félicitations à toi et ton groupe pour ce bel album. Dès les premières notes, on embarque avec vous dans cette belle aventure. Une musique festive avec de beaux textes, de jolies chansons qui sont remplies d'une belle énergie qui fait du bien. Je vous souhaite un bon succès et que le meilleur pour la suite. J'en profite également pour faire un aloi à mon ami et collègue Gilou, ainsi que mes salutations à tous. Je vous fais de gros bisous de ma belle province et je vous dis à bientôt avec toute mon amitié. Voilà, petite surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. Voilà, Lynn qui est au Québec. Voilà, voilà qui est en direct du Québec. Merci beaucoup, Lynn, pour ton intervention. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Voilà. Merci pour ton soutien et pour ta présence de longue date déjà. Et voilà, merci du fond du cœur, ça m'a touché. Voilà, donc c'est une première aussi pour Radio Gamozo, parce que bon, c'est la première fois qu'on entend donc la voix de Lynn sur les ondes. Lynn. Voilà, tout à fait. Agent artistique au Québec. Voilà. Voilà. On fait une petite équipe, voilà, on travaille sur les émissions, tout ça, et puis voilà. C'est sympa, donc, c'est vraiment sympa, ouais. J'apprécie, merci beaucoup. Voilà, Denis. Alors, j'avais un autre message aussi de je cherche mes petits papiers. Tu sais, je suis comme Guilux dans le temps, tu te souviens, Guilux? Oui, j'ai fait des télés avec lui. Oui, t'es là. Oui. Donc, alors ça, c'est Daniel Schirk. Daniel Schirk. Donc, Daniel, il est de... Il m'a envoyé un message en me demandant message, ouais. De te passer un bonjour. Effectivement, je l'aurais fait tout à l'heure, mais comme tu me prends le... Oui, donc Daniel, pardon, on se mélange avec les prénoms. Donc Daniel te passe un coucou, quoi. Donc il m'a mis un petit message tout à l'heure. Merci Daniel, c'est très gentil. Merci et à toute l'équipe. À toute l'équipe, je transmettrai. Voilà. Je transmettrai, je les vois très très bientôt. On fait une grosse scène dans quelques jours. Et donc je les verrai, je leur passerai. Ouais, d'accord, ok. Oui, alors donc avec tout ça, bon, je pense que les concerts, ça doit s'enchaîner. Ça, oui, on peut malheureusement pas répondre à tout. Oui, parce bien que sûr. C'est très très difficile de tout le monde. Cyrielle habite à Paris. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà, oui, donc, c'est vrai, d'accord. Voilà, Cyrielle est mannequin professionnel, donc ouais, c'est ouais, pas okay, toujours d'accord. Facile, et donc il faut que je prenne en considération tout ça. Ouais, ouais, c'est pas facile, mais ça commence à s'enchaîner, oui. D'accord, oui. On nous propose plein de choses, mais on peut pas répondre à tout. C'est pas possible, parce que sinon on passe plus de temps avec notre famille. Et oui, c'est ça. Oui, mais bien sûr, voilà. Aussi la famille. Ben, voilà. On salue. On fait peut-être un petit coucou à Carole. Je sais pas si un petit coucou à Carole. Si, coucou. T'es gros schmoutz, Carole. Gros schmoutz, Carole. si elle nous écoute, lol. Je ne sais pas. Et non, mais c'est voilà. Donc c'est pas facile, mais bon, on essaye de s'accrocher. Et puis on savait, hein, on savait que ça allait démarrer très très vite, et ça a démarré, je me suis pas trompé, ça a démarré vraiment très vite. Très bon, très fort et tout, c'est bien, c'est mieux comme ça, hein. C'est vrai que... Ah oui, non, mais ouais. on est là pour ça, quoi. Je veux dire que si on veut pas faire ce métier, il faut faire autre chose. Faut faire autre chose, ouais. On sait que c'est indispensable, une tournée de promo, c'est indispensable, on sait que les manifestations, les scènes sont indispensables, parce que sinon c'est pas la peine, quoi. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Gamozo, dans les années bonheur, avec notre invité de cet après-midi, donc Denis Simon, accompagné de sa choriste Cyrielle. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 pour nous faire un petit coucou. Ne soyez pas timides, hein, ils ne vont pas vous mordre, ils sont tout sourire là dans le studio, et ça, voilà, ça se passe bien. Oh, ça se passe super bien, c'est tellement convivial qu'on a l'impression d'être à la maison, c'est très, c'est très ça. Bien. C'est, hein? Oui, c'est ce que je dis assez souvent, tu sais, des fois en radio, on a tendance un petit peu à rabâcher, tu sais, bah, c'est vrai quoi, ça arrive, mais c'est vrai, je dis souvent quand ça se passe bien, on a l'impression d'être dans son salon, dans voilà, et puis voilà, on partage ensemble, tout ça, c'est formidable. Alors Cyrielle, comment je veux dire, tu as, enfin, c'est Denis qui... Comment ça s'est passé, la rencontre? C'est moi qui l'ai cherché. C'est toi qui l'as cherché. En fait, on va dire que monsieur s'entraînait avec ma maman dans sa salle de sport. Dans d'accord, sport. Ok, ouais, ouais. Et du coup, il cherchait donc la Maureen. Et du coup, on s'est trouvé. Et voilà. Non, plus sérieusement, maman, du coup, lui a proposé mon profil. Oui, il a validé, sûr. Du coup. Ouais. Et sauf qu'avant ça, j'habitais en Alsace, ce qui était quand même plus simple pour moi. Ah bah oui, c'est sûr. Et quand même, j'ai d'autres choses à côté, on va dire. Ouais, surtout un autre gros projet en Alsace. Ouais. Donc du coup, mais si à choisir, je choisirais toujours Denis. Avant d'accord. Tout. Oh là là, ça c'est sûr bien. Oui, ah, on a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Denis. Allô. Allô, oui. Oui, Denis, bonjour. Denis. Oui, Denis est à côté de moi. Oui, là, c'est pour lui dire un petit coucou. Bonjour, bonjour. Oui, Bonjour Denis, c'est Annie. Ah, c'est Annie. Bonjour Annie, qui nous appelle de Picardie, c'est ça ? De Picardie, c'est ça. Voilà, que j'ai eu le plaisir de rencontrer justement à Puisalène il y a quelques années, c'est ça, hein, Annie ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, je garde un très bon souvenir de vous, Annie, et puis moi, je suis vraiment toujours très, très heureux de vous entendre et de lire vos très gentils messages sur Facebook. C'est vraiment très gentil. Moi, je suis toujours à l'écoute. Bah écoutez, je vois ça, vous êtes une grande fidèle et voilà. tu vois c'est une dame qui a suivi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les gens aiment un artiste, ils le suivent. Sûr, et c'est pareil dans avec tous les artistes et tous les styles de musique. Oui, d'accord. Comment allez-vous, Annie ? Ça va. Ça peut aller, d'accord. Ça peut aller, il y a un peu de soleil aujourd'hui, ça va. Ah bah chez nous aussi. Vous aussi. Oui, chez nous aussi. Et dans les Vosges. Dans les Vosges, oui. Vous dire bonjour à votre fille ? Oui, je lui donnerai le bonjour à Louane. Voilà. Elle est tout juste à côté de moi, simplement on ne la voit pas. Oui, je l'entends. Oui. Dis un bonjour, Louane. Bonjour. Bonjour, Louane. Voilà. Ça, c'est. Je suis très contente de vos enfants. Et puis, toujours à l'écoute pour les chansons et tout. Oh, on ne se moque pas, Annie. Hein. Sinon, c'est... Non, parce qu'il y a. Pardonnez-moi, Annie, Est-ce que je vous laisse, Annie. Bonne journée. À bientôt, Annie. Au revoir. Bah, je l'ai fait fuir. Voilà, mais c'est gentil, un premier coup de fil de Annie. Merci Annie, désolé pour le petit fou rire, mais Cyrielle tout à côté de moi est un peu malade et puis elle se mouchait en même temps. Voilà, donc d'où un petit peu nos fou rires, mais on ne se moquait pas Annie, bien sûr, on ne se moquait pas. Hein. Voilà. Je suis de retour. Merci beaucoup. Merci en tous les cas Annie, c'est une dame que j'aime beaucoup, qui m'a toujours soutenu et qui m'a toujours suivi. Toujours suivi, oui. Et je dois dire que les gens de Picardie, ainsi que dans le Nord, c'est vraiment de belles personnes. Des belles personnes, vraiment, oui, c'est vraiment de belles personnes et accueillantes. Et puis accueillantes, hein, c'est vrai que. Et c'est marrant, Annie, je n'ai jamais perdu son visage devant mes yeux, tu vois. Oui. Quelquefois, t'as des gens que t'oublies. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui. Annie, le visage, voilà, c'est un visage que je reconnaîtrais. Je la vois dans la rue, ou tout à l'heure, en passant, je la reconnais. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelquefois des choses qui se passent, qui sont inexplicables, mais bon. Merci Annie, en tous les cas. Voilà. Alors, oui, tu sais, je reviens là-dessus, quand je te parlais, bon, t'as pas peur de perdre des fans, tout ça, des gens qui te suivent. Alors voilà pourquoi je disais ça m'est venu comme ça. Oui. Tu sais, Franck Michael, bon, on connaît Franck Michael. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, oui. Franck Michael. Oui. Et en 2003-2004, il fait un album, il va enregistrer un album à Memphis. Et il enregistre les chansons d'Elvis, avec les choristes d'Elvis, avec 10 musiciens d'Elvis. Franck Michael, quand il sort un CD, c'est 400 000 exemplaires à peu près, en moyenne. Et là, il n'a rien fait, quoi. Il flop. Et pourquoi ? Ben voilà, son public ne s'est pas retrouvé dans ces chansons-là. Alors, bon, après l'explication, moi, bon, suivant un petit peu sa carrière, l'explication, c'est qu'il a voulu se faire plaisir. C'est un fan d'Elvis Presley, tu vois. Le problème... Il a voulu se faire plaisir, bon, voilà, il a fait cet enregistrement. Le problème n'est pas là. Après, les gens n'ont pas tous suivi, mais après, bon... Mais le problème n'est pas là, mon cher Gilles. Le problème, c'est qu'il a fait des reprises et que les gens préfèrent les originaux. Oui, bien sûr. Avec Elvis, les originaux chantés par Elvis. Et voilà. Et lui ne chantant pas anglais, il chante italien, il chante un peu en allemand, bien sûr. Donc c'est sûr que les reprises Elvis, ça ne donne pas la même chose. Ce n'est pas pareil que ce que moi j'ai fait. J'ai simplement changé de style, mais... Oui, bien sûr. Et les gens se reconnaissent quand même dans mon travail et se reconnaissent dans les chansons, et je n'aurais jamais refait des reprises dans une autre langue. Surtout pas les chansons d'Elvis. Oui, bien sûr, ouais, parce que bon, Elvis, c'est sûr qu'il faut déjà s'accrocher. Hein. Hein, c'est comme, bon, après, comme le chanteur à qui chante Johnny Hallyday. Donc, je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Jean-Baptiste Guéant, c'est ça. Jean-Baptiste Guéant, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. Quoi. Bon. Ah bah, la voix, vocalement, c'est pas mal. Quoi. Tu fermes les yeux, tu dis c'est Johnny qui chante. Vrai, quoi. C'est vraiment un gars qui a beaucoup. Et il sait chanter. Oui. Il sait chanter, c'est ça. Il sait faire travailler sa voix, il sait l'utiliser. Vraiment, il a beaucoup de talent. Et ce gars-là, pour moi, il doit exploser. Oui, je pense, oui, c'est sûr qu'il va faire. Et il va exploser. Oh bah oui. Il ça ne remplacera pas Johnny Hallyday, non, ça, non, c'est, non, c'est sûr. Ça, non, c'est bah, sûr. Mais... Pour les purs fans et tout, c'est vrai que. Oui. Ah, c'est... Alors, moi, je vous propose qu'on écoute une autre chanson. C'est comme tu veux. C'est toi qui sais. Alors là, j'ai choisi Lorelai. Lorelai. Tiens, tiens. Ah, tiens, tiens. Voilà. T'aimerais pas la musique allemande, toi, un petit peu? Ouais, écoute, si. Quand même. Non, si, si. C'est... Non, mais très, très franchement, oui, j'aime bien, enfin, la, j'aime bien la, j'aime... l'état d'esprit, je veux dire, pas la oui. musique allemande, l'état d'esprit et puis l'ambiance. J'aime bien quoi. La variété allemande. Oui. Je suis deux, trois artistes allemands. Andy Borg, je sais pas, tu connais sûrement. Oui, j'ai rencontré à plusieurs reprises. Oui. Tu m'en avais parlé précédemment, enfin la dernière fois. Séminaire aussi, par exemple. Oui. Tu vois. Voilà, il y avait les Flippers. Bon, ben, ils ont arrêté. Que j'ai rencontré. Donc, oui, c'est sûr. Donc, ils ont fait une tournée d'adieu, c'est terminé. Mais il y a un du groupe qui rechante, Olaf, voilà. Ouais. Donc, voilà, moi, je suis. Voilà, c'est vrai que j'aime bien la variété allemande aussi. Et puis, voilà. C'est bien, parce que, écoute, les Allemands, on a rien à leur montrer. Ah non, ouais, puis je pense. Musicalement, ils sont très forts. Ouais. Quand ils font, moi, je. Avec Tokyo Hotel, par exemple. Ah, oui. Ah oui, Tokyo Hotel. Bah, écoute, c'est ah, oui, mais ça, c'était pour. Excuse-moi, Cyriana, mais ça, c'était pour les gamines. Ça, c'était pour les gamines. Mais bon, ils avaient quand même chopé oui. le bon truc. Ah ben, c'est sûr que, enfin bon, quand ils font des spectacles, quand ils font des galas ou des soirées, bon, c'est toujours très très féerique chez eux. Hein. Oui, bien sûr. Et puis les émissions de variété. C'est formidable. On a plus ça nous en France. Enfin, moi je le dis, je le dis, on a plus ça en France. On a des belles émissions de variété. C'est fait différemment, je dirais. C'est fait différemment. Oui. Ah non, le dernier qu'on faisait, il est parti là, du coup. Tu veux parler de. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, effectivement. Oui. Mais il va peut-être revenir. Oui. Ouais, tu le sais, toi. Oui. Sur une autre chaîne. Ah, elle a des informations. Mais parce qu'elle l'a rencontré, voilà. Ah, voilà, ok, oui. Oui, non, mais je veux dire, voilà, enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'on a plus grand-chose, nous, sur les télévisions françaises. Oui, bon, c'est Patrick sûr Sébastien, que Patrick là, Sébastien, que... et puis les Foucault, et puis... voilà, tout ça, voilà, ouais, il y avait des émissions, bon, encore le samedi après-midi aussi, oui, les Grands du Rire, c'est encore assez sympa, on voit des artistes disparus, malheureusement, non disparus, c'est encore sympa. Oui. Mais il reste Drucker, hein, avec son canapé. Avec Drucker, ouais, on va prendre Drucker sous le canapé, oui, c'est... Ouais. Ça date. Non, mais c'était bien aussi, là. Oui, c'est ça. Toujours là, oui. Et puis il avait des belles émissions, les Champs-Élysées, tout ça. Hein. Oui, oui. Ah, quand oui. il faisait Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'était Drucker ou c'était Foucault? Non, c'était Drucker, Champs-Élysées. Hein. Drucker. Ouais. Foucault, c'était. Qui a fait gagner des millions. Non, il avait une émission de variété. Est-ce que notre. Oui, oui. Notre, non, tu le sais. Je peux chercher l'information si vous voulez. Sacrée soirée. C'est une sacrée soirée. Ouais, non, mais il avait une émission de variété, je ne me souviens pas. Mais bon, peu importe. Oui, si, c'est ça, Denis. Ouais. Sacrée soirée. D'accord. Mais je crois qu'il y en a peut-être plusieurs. Hein. Ouais, tu me crois pas non Oui. T'es pas convaincu. Allez, on écoute cette chanson, Lorelai. I'm not afraid to Lorelai, voilà. C'est une chanson que j'ai choisie de ton album, Denis. Donc, on rappelle les gars de la Maurine. Mais alors, on est là aussi pour la promo, Denis. Oui. On se procure comment, ce CD? Alors, cet album... Ah oui, pardon. Excuse-moi. On a Elisabeth avec nous, quand même. Oui. Voilà. Oui. On en reparlera après. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Elisabeth. C'est Elisabeth. C'est Denis. C'est moi. Elisabeth, bonjour. Ah oui, Elisabeth. Oui, bonjour, Elisabeth Pellieu. Ah bonjour, Elisabeth. Ah bah écoute, tu sais, je lui ai donné les coordonnées, je lui ai dit de... Enfin, je lui ai demandé si elle pouvait téléphoner. Comment vas-tu, Elisabeth? Eh ben, bien, ça va. T'écoutes bien. C'est du bonheur, hein, quand je vous entends. Est-ce que tu vois la vidéo en direct? Je vois, oui. On a un peu de mal. Enfin, bon, moi, je suis dans la vallée, hein. Oui. C'est haché, mais on voit. Si, on voit. On est bien, Elisabeth, on est bien? Ah, vous êtes très bien. Ah, merci. Ne changez rien, vous êtes très bien. En tous les cas, ça me fait très très plaisir, Elisabeth, parce que l'autre jour, quand on s'est rencontrés au marché de Noël, on n'avait pas le temps. Donc, désolé. Hein. Mais c'est moi qui suis désolé. Hein. Non, mais c'est vrai que j'étais à chaque fois. Des fois, on a pendant une demi-heure rien à faire, et puis quand je vais voir quelqu'un, ben. Voilà. Et donc, on s'était vu également à une manifestation à Vitona, et là, tu devais partir également. Oui, là je devais partir, ouais. C'est vrai. Donc, je travaillais. Donc oui, j'espère te voir. Ouais, ben écoute, c'est super sympathique de ta part. J'espère que tu viendras nous voir sur scène très bientôt. Hein. Eh ben dès que je peux. C'est dès écoute, que tu j'ai peux. Vu que samedi vous étiez à Soultzmatt. Le 20, ouais, c'est ça. Je vais faire si je peux, mais moi les week-ends c'est très compliqué. Oui, oui, je sais avec ton travail, je sais, mais il y a pas de problème. Écoute, tu es présente sur mon Facebook, tu es tout le temps présente quand je fais des parutions, et puis tu téléphones aujourd'hui, ça me fait vachement plaisir, sincèrement. Eh ben, écoute. Mais c'est vraiment très gentil. Si je peux rajouter. Merci beaucoup de nous faire partager ces bons moments, c'est vraiment magique. Merci à toi, Elisabeth. Alors, attends voir. Gilles voudrait rajouter quelque chose. Je dis, Elisabeth, elle nous fait des bonnes choses. Elle a des bons produits, je crois, si je me trompe pas. On va pas. Oui. Hein, c'est ça. Écoute, au plaisir. Hein. Mais bien sûr, Elisabeth, au plaisir. Et puis, on s'était vu une fois aussi, hein, sur. C'était à Colmar, je crois. Marché de Noël. Marché de Noël, ouais. C'est il y a deux ans, je ne sais plus. Le temps passe. Oui, c'était pas l'année. C'était il y a deux ans, voilà. Mais pareil, okay. Hein, j'étais débordée, pas beaucoup de... J'ai jamais le temps. Oui, bah bien sûr. Ah, on s'était pas vu aussi au domaine du Hirt. En 2000... Fallait pas au domaine du Hirt. Ah oui. Bruno. Ah oui, au domaine du Hirt. Oui, d'accord, ok. Hein? Oui, c'est vrai, oui, on s'était vu aussi là, ouais. Bon, ben merci Elisabeth. Au revoir, hein. Eh ben, merci à vous. Merci. Hein, et puis, merci beaucoup Elisabeth. Bon après-midi encore. Et puis à très bientôt. Écoute, à très bientôt. Je t'embrasse Elisabeth. Allez, bisous. Ciao, merci beaucoup. À bientôt. Waouh, la technicienne, elle a du travail aujourd'hui. Bonjour. Non, je croyais qu'il y avait encore un bout de fil. Alors Denis, revenons au gars de la Maurine. Oui. Donc cet album, on se le procure comment? Sur le Darknet. Sur quoi? Avec des bitcoins. Non, sur le net, tout simplement. J'avais pas tort, hein, sur le net. Sur le net. Vous allez sur mon site internet www.denissimon.fr et vous allez donc dans la rubrique achat CD et vous suivez les informations et vous cliquez. En trois clics, vous avez acheté un CD. C'est archi simple à faire, c'est très rapide. Et voilà, donc on peut les trouver sur mon site internet ou alors contactez-moi en privé ou même Cyril ou peu importe. Je peux donner mes réseaux sociaux si vous voulez. On peut... Voilà, alors si les gens veulent me demander un ami, ça c'est très important aussi bien sûr, sur aussi, Facebook. Tout si à fait. Les gens veulent me demander un ami, il n'y a pas de souci. J'accepte volontiers toutes les personnes qui aiment bien sûr. Le travail. Demandez Denis en ami. Moi, je peux vous dire que Denis est un artiste talentueux, et puis il y a un ami très sincère et fidèle en amitié. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas sincère. Amitié, c'est fidèle tout court. Non, mais je tenais à le dire, et c'est sincère, c'est vrai. C'est très gentil. Ça me touche. Ouais, et c'était vraiment un plaisir. De te revoir, de revoir Louane, et puis bien sûr de faire la connaissance de Cyrielle, voilà, c'est... Si tu as l'occasion de venir nous voir un jour, tu vas prendre beaucoup, vraiment beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr. On est une troupe de déjantés, quoi. Bien sûr, mais si tu... Ben, je pense de toute façon, sur Facebook, hein, on se contacte et tout. Voilà, il y aura les... Et tu me dis le moment où vous êtes dans le secteur, parce qu'on va assez souvent sur Colmar. Voilà. On est donc samedi prochain, donc le 20 à Soultzmatt. À Soultzmatt. Donc un bal, ça s'appelle le bal de Pâques. Donc Vendredi Saint et Pâques. C'est donc animé par l'orchestre, l'excellent orchestre. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un très très bon orchestre. Énergie. Et on vient faire notre petit spectacle vers 23h. Mais les gens peuvent venir. Notre show, c'est pas un spectacle. Notre show vers 23h. Les gens. Ils dansent avant. Et donc super bien. Donc c'est pas très loin de Colmar en fait. C'est à l'occasion. On voit la direction, je crois, quand on va vers Colmar, on passe la Schlucht. Schlucht, on redescend Master. Ah, Soultzmatt, on voit la direction Soultzmatt. Soultzmatt, c'est de l'eau aussi. Soultzmatt, c'est de l'eau aussi. C'est une source de. Voilà, comme on est en train de boire. Bah. Oui, c'est ça. Ah bah, en fait, ils pensent peut-être qu'on a de l'eau dedans, mais on a. C'est pas de l'eau, non, c'est de l'agneau. C'est translucide. Ça sort des fûts. Ça le même. Ça sort. Ça, c'est à cause de la morine. Hein. Ça, c'est à cause de la morine. Toujours et encore. Hein. Ça sort des fûts de la morine, ça. voilà. Alors. Denis, alors on a parlé. Il en perd ses mots. Oui, j'en perds mes mots. Je vois Cyril là. J'ai rien fait. Sympa. Hein. Non, mais tu l'as pensé. C'est encore plus grave. Voilà. Donc, on a encore. Ouais, 16h55, tu vois. Une heure, ça presque une heure, mais ça va. On a encore une petite demi-heure. C'est bien, on a encore 35 minutes. On a encore 37 minutes, voilà. Et puis, c'était sympa ces petits messages et ces petits coucou au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Denis, encore sur ce CD? Donc, vous produisez sur scène, bien sûr. Oui. Vous êtes tous ensemble. Oui. Hein, tous ensemble, bien sûr. Voilà. Je suis. Pendant un an, on va être tous ensemble. Ouais. Ensuite, je n'ai pas perdu de vue ma carrière de chanteur soliste. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais bon, maintenant, il faut travailler sur les gars de la Morine. Mais bon, voilà. En décembre, je refais pas mal de galas de Noël, donc avec mon CD de Noël. La musique ne s'adapte pas. Oui, c'est sûr. Donc, je ne perds pas de vue ma carrière solo. C'est sûr, le CD de Noël. Enfin, si tu parles de avec certaines paroles, hein, de certaines chansons, avec mon short en peau de fesse, ça le fait pas au moment de Noël. culotte en peau de fesse. Mais on aurait pu faire mieux. Ça ferait plus tyrolien, On aurait pu faire mieux dans la déconnade, mais bon, fallait pas aller trop loin. Sinon, on aurait eu le rectangle blanc, tu sais, derrière. Interdit au moins de 16. Mais celle qui va arriver n'est pas gentil non plus. C'est toujours très gentil, c'est écoutable. Mais bon, il y a quelquefois des paroles auxquelles les gens ne sont pas habitués venant de ma part. D'accord, oui, c'est ça. C'est comme je te disais au début. Quoi. Quand j'ai écouté le CD, je me dis, Mais c'est parce que ça sort de l'ordinateur. De l'ordinateur. Ce lapsus. C'est parce que ça sort de l'ordinateur que les gens aiment découvrir. Bien sûr. Sort de l'ordinateur, en fait. Enfin, bon, je sais que j'étais pas surpris parce que... De l'ordinateur. Voilà. Ah, d'accord. Thierry, enfin, on en avait parlé un peu avec Thierry, mais bon, il a pas vendu la mèche, hein. Il gardait tout précieusement dans son ordinateur. Oui, voilà, dans son ordinateur. C'est ce qu'il voulait dire, Denis. Et en fait, non, c'est bien la chanson qui va arriver. Oui. Voilà. C'est drôlatique et voilà la mélodie. On va en Russie avec cette mélodie. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je parlais de Heidi quand on a entendu la nouvelle chanson d'Heidi. Mais tu en parleras, nous en parlerons après sur cette chanson. Et je veux aussi signaler, avant de passer à la musique, juste signaler que ce n'est pas moi qui ai fait les arrangements. Hein. Ce coup-ci, je voulais un changement total, un changement de style, et je ne voulais pas. C'est moi qui ai écrit les musiques. Les musiques, oui. Mais les arrangements, je les ai confiés à un garçon formidable qui s'appelle M2K. M2K, oui. Et qui, le gars, il est exceptionnel et je voulais du changement. Si j'avais retravaillé moi-même les arrangements, ça aurait toujours été du Denis Simon. Oui, d'accord. C'est ce que je ne voulais pas. Tu voulais vraiment vraiment faire un changement total. Je voulais le changement qu'on... Elle est énorme. Et voilà, donc dans l'humour. Cas... Hein. Oui, dans l'humour. Ah oui, oui, dans l'humour, dans parce l'humour. Que sinon, sinon il n'y a ouais, rien ouais, à dire. Hein. Ouais, ouais. Faudrait que j'aille chercher mes talonnettes, moi, tout à l'heure. Non, parce que je veux faire la photo, je vais me sentir elle est aussi grand, à côté elle est aussi de vous grande, deux. Elle est aussi grande que moi, je fais 1m85. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois un peu le truc. Ah, tu parles avec mon petit 1m60. Faut que je monte sur une chaise. Mais toi, alors vous restez assis. Toi, t'as oublié de grandir, c'est pas pareil. Ben oui, mais pourtant, j'ai mangé de la soupe. Ma mémé m'a dit, il faut manger de la soupe, Jim. J'ai mangé de la soupe, j'aime bien la soupe. Ma mémé. Ma grand-mère m'a dit, il faut manger de la soupe, j'ai mangé de la soupe, mais je me suis arrêté à mon petit 1m60, voilà. C'est bien, écoute, t'es pas très grand par la taille, mais tu as un grand cœur, je crois. Ah, mais, ouais, je pense. Un grand homme par l'esprit. Un grand cœur, et puis... Arrêtez, vous allez me faire rougir. Et on dit que tout ce qui est petit est mignon, Gilou. Ah oui, tout ce qui est grand est con, du j'allais coup... Dire, Ah non. Merci Lia, c'est gentil. Bah voilà. Oh là là, elle est gentille ma collègue animatrice, hein, c'est vrai, hein, je suis gâté quand même. Eh ben moi, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Niet Popov. Allez-y. Sur la place rouge, en plein hiver, à gla gla gla. Je lui ai proposé de venir la faire un tour sous ma troïka. Et sous mon manteau, dessous mon manteau, sortirait bientôt un plaisir brûlant en moi. Et sous mon manteau, et sous mon manteau, chocolat chaud, fumant déjà. Elle m'a dit Niet Popov, ne joue plus jamais à ça. Elle m'a dit Niet Popov, oh poupée russe, ne touche pas. Elle m'a dit Niet Popov, prends tes clics et puis barre-toi. Elle m'a dit Niet Popov, ma jolie babouchka. Elle m'a dit Niet Popov, ne joue plus jamais à ça. Elle m'a dit Niet Popov, oh poupée russe, ne touche pas. Elle m'a dit Niet Popov, prends tes clics et puis barre-toi. Elle m'a dit Niet Popov, ma jolie matryoshka. Alors que je cherchais quelques mots en russe bloqués sous ma chapka, avec le majeur de ses doigts, elle m'a remercié d'osvidania. Ça pour un râteau, c'était un râteau. Mon chocolat chaud, je l'ai renversé sur mes. Ça pour un râteau, c'était un râteau. Ne joue plus jamais à ça. Elle m'a dit Niet Popov, oh poupée russe, ne touche pas. Elle m'a dit Niet Popov, prends tes clics et puis barre-toi. Elle m'a dit Niet Popov, ma jolie babouchka. Elle m'a dit Niet Popov, ne joue plus jamais à ça. Elle m'a dit Niet Popov, oh poupée russe, ne touche pas. Elle m'a dit Niet Popov, prends tes clics et puis barre-toi. Elle m'a dit Niet Popov, ma jolie matryoshka. Elle m'a dit Niet Popov, ne joue plus jamais à ça. Elle m'a dit Niet Popov, oh poupée russe, ne touche pas. Elle m'a dit Niet Popov, prends tes clics et puis barre-toi. Elle m'a dit Niet Popov, ma jolie babouchka. Elle m'a dit Niet Popov. Alors, on a du monde au téléphone, Denis. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, je suis à l'antenne. Oui, oui, Thierry, tu es à l'antenne. Ah oui, parce que nous, on a un léger différé, en fait. Ah oui, oui, il y a un petit, oui, je pense, oui, il y a un petit différé quand, voilà, on, quand on regarde. Voilà, parce qu'on entend encore Popov, hein, pendant ce temps. Ah oui, ouais, ok, d'accord, ouais, il y a un petit décalage. Bon, ben, je je suis ravi d'être avec vous, avec Cyrielle, avec Louane, avec Denis, évidemment, bonjour. Et toi, Gilles. Oui, merci, bah, Thierry. C'est un bonheur de vous entendre communiquer tous ensemble, et c'est un bonheur de voir que cet album est aussi bien accepté. Voilà. Ah oui, c'est vrai que bon, ça marche bien, hein, ça tourne bien. Oui, on peut. Et puis on adore, ah bah oui, on peut, pour oui. Pour l'instant, oui. On n'a pas à se plaindre. Mais c'est vrai. Quand tu m'avais dit, Thierry, au départ, et puis Denis aussi, tous les deux, vous m'aviez dit que ça allait déménager, là, quand j'ai écouté, j'ai compris. On s'est lâché, je pense que, en fait, avec Denis, on est passé quand même par pas mal d'épreuves de vie, et puis, il y a un moment où on se dit, mais on va pas s'enterrer là-dedans, on va essayer de dépoussiérer tout ça, et puis d'y aller et de se lâcher comme on s'est jamais lâché, et effectivement, ça a donné cet album-là. Bah c'est bien, c'est du beau travail. Moi, je vous félicite tous les deux. Bon, Denis, bien sûr, pour la composition, et puis Thierry, pour Thierry, toi, pour les paroles. Et M2K pour les arrangements. M2K. Mais non, et M2K pour les arrangements, oui, parce tout à fait. Qu'il a mis une sacrée patte aussi dans les arrangements, oui, ça, totalement. Ça nous a quand même payé de gros fous rires au téléphone avec Thierry. Ça, c'est clair que... On a été complètement connectés, hein. On est parti dans le même délire, parce que moi, quand j'ai commencé à livrer les premiers textes, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas du tout le style de Denis au départ. Donc, est-ce que déjà il va les accepter? C'était la première chose. Et puis quand j'ai vu le premier est tellement bien passé, les gars de la Maureen, j'ai dit, bon, ben maintenant on va enquiller. Et puis c'est parti, quoi, en fait. Oui, non, mais bon, sans perdre de vue que j'étais quand même amuseur, parce que j'avais un orchestre pendant 35 ans et je faisais des soirées dansantes, et donc il fallait mettre de la patate, fallait faire danser les gens. Les gens avaient un peu perdu ça de vue, en voilà, fait, tout à fait, depuis 2002, à sa carrière romantique, voilà. Et du coup on allait faire un grand chamboule-tout là, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bon, écoute, on a bien bossé parce que ça a super bien démarré, voilà, donc tout va bien. On ne s'est pas trompé, on ne s'est jamais trompé d'ailleurs. Oui, et puis tu es bien entouré, t'as une sacrée équipe. Ouais, là j'ai une sacrée équipe, là c'est formidable. N'est-ce pas, Cyrielle, même si on trouve pas le disque sur le Darknet. Ah, j'ai entendu, je pensais pas. Ça m'a fait bien rire. Ah bah, il y a le son et l'image là. Mais nous on suit tout, hein. Mais c'est très bien. Bah, c'est merci bien. D'être là. Tu sais, Thierry, on n'a pas osé le tournage, le making of du clip. On a supprimé beaucoup de choses, mais bon. Ça aurait été moins de 18. Là, ça aurait été incroyable. Un bêtisier sur pattes. Un bêtisier sur pattes, parce que Cyrielle, comme tu sais. Mais je sais pas tenir en place. Je suis désolée. J'ai une pile. Non, mais elle est cash. Et moi, j'aime bien. Ah, j'ai pas de filtre. Hein. C'est soit on m'accepte comme je suis, soit on m'accepte pas. Je suis désolée. Tu sais, Thierry, tu as du chagrin à te faire quand même. Et puis, quand même, il faut quand même que tu réfléchisses à une reconversion, parce que Cyrielle a pondu tout à l'heure un texte dans la voiture sur les gars de la Maureen. Je vois à peu près, parce que je vois ce qu'on peut faire avec. Ah ben voilà. Mais ça devient très graveleux après. Ah oui, oui. Ça devient même très graveleux et très rugueux, je dirais. Oui, complètement. Et bon, parce mais que écoute... si on fait la parodie de la parodie, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Alors, tu t'imagines un petit peu ce que ça va donner sur scène, avec ces hurluberlus là. Ouais, c'est vraiment, ça sera du feu de Dieu. Voilà. Ouais, mais tout le monde va se lâcher, ça va être magnifique. On attend le Maureen Tour avec impatience. Oui, bah écoute, ça va arriver. Elle arrive. Bah, j'ai hâte de voir les images, en tout cas. Bah, écoute, tu les auras. Et écoute, que tu nous souhaites quand même plein de bonnes choses, quoi, sur ce Maureen Tour, quoi. Non, que des catastrophes. Ah, que des catastrophes. Pour que ça continue de lancer. Quelle question, ça, encore. Et en fait, souhaite-nous quand même bonne chance. Vas-y, je t'écoute. Mais je te fais un gros M, et à toute l'équipe. Hein, voilà. Parce qu'on en a bien besoin. Un M comme Maureen, d'ailleurs. M comme merci, du coup. Voilà. Voilà. Comme merci, qui est d'ailleurs la dernière chanson que nous allons à chaque fois présenter sur scène. C'est ça. Voilà. Ouais, et je vous laisse, parce que sinon vous n'avez pas le temps de parler de l'album. Ouais. Écoute, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir appelé. Merci, à bientôt. Gros voilà. Chouette. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Ciao. Bye bye. Couscous. Et ben voilà. Bah, Lia, elle a du travail au téléphone aujourd'hui. Voilà. Donc, nous en étions restés, je ne sais plus. J'ai perdu mes petits. Ça va suivre son cours, ça va ça arriver. Ça va suivre son cours, oui, bien sûr. Ça va arriver. Oui, oui. Donc, voilà, oui. Non, mais les arrangements, tout ça, la musique que tu nous amènes un petit peu voyager, je veux dire, on va un petit peu du côté de Moscou, par exemple. Oui, hein, Moscou, on va en Italie également avec Allora. En Italie avec Allora, voilà. Un petit peu du côté d'Écosse avec les. Oui, comment on appelle ça, les cornemuses. Merci, c'est tout à fait. Alors, ça, c'est le pompon. Ouais. Ce que Thierry a écrit comme texte, c'est vraiment. C'est le pompon. On s'est déjà roulé par terre, le fantôme sous le kilt. Ah oui, les fantômes sous le kilt. Ouais, ouais. Alors, fantôme sous le kilt, ça veut dire sous ce que ça kilt, veut dire. Oui, alors, ça, il faut écouter. Il n'y a pas souvent de grands fantômes. Hein. Alors, on venait d'écouter Niet Popov. Hein. C'est ça. On vient d'écouter Niet Popov. Alors, dans ma petite réflexion, comme ça, je me suis dit, tiens, alors. je me disais, tiens, c'est très loin de la chanson de Gilbert Bécaud. Nathalie, tu sais. Ah oui, Nathalie. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, tu vois. Oui, hein, mais bon, c'est parce que c'est pas la même chose, non, mais... Voilà. Là, vous avez fait plus fort, quoi, je dirais. C'est plus ambianceur. C'est plus ambianceur, ouais. Et voilà. Puis au niveau des textes aussi, quoi. Ah, voilà, voilà. Hein, comment que c'était, donc, Nathalie... j'étais sur la place rouge. Nathalie me suivait. Enfin, moi, Nathalie. Ouais. C'était un joli nom, mon guide. Nathalie. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Non, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Non, mais... Oui, mais parce que c'est la consonance, parce que c'est le style, parce que c'est les suites d'accords. Voilà, c'est parce que c'est. Voilà, ça, c'est, oui. C'est mmh, voilà. Voilà, donc Niet Popov. Alors, Denis, là, tu nous as parlé en début d'émission, donc, hein, du décès de ta maman. Oui. Hein, bien sûr, donc, il t'a... Alors, moi, j'ai tenu à ce qu'on écoute cette jolie chanson. Tu as bien fait. Pour ta maman. Voilà, c'est la seule chanson, voilà. Porteuse d'émotions, ouais. Dans cet album, parce que je le lui devais, c'est un hommage que je voulais lui rendre, et puis parce que si je suis revenu, c'est aussi et surtout pour elle. Donc c'est sur ces 12 titres de cet album, c'est la seule chanson qui a une autre couleur. Une autre couleur, voilà. Et donc je voulais lui faire cette petite chanson. Ok. Oui, je ne sais pas, je regarde l'IA, on a quelqu'un au téléphone, je ne sais pas. Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Gamozo 107 FM. Il est 17h11. Il est 17h11. Et il y a un grand soleil, il fait 18 degrés. Non, ce n'est pas pour nous. Voilà. Alors, on va donc écouter, Denis, cette chanson que tu as écrit pour ta maman. Oui. Hein, donc voilà, composé pour ta maman. Maman, jolie maman. Maman, jolie. Chante cette chanson, c'est pour toi, maman, jolie maman. Souviens-toi, tu l'as joué déjà, maman, jolie. Jolie. jolie maman. Voilà, une belle chanson pleine d'émotions. Hein, oui. On peut dire, c'est vrai que. On en parlait hein, comme ça un petit peu en aparté, mais je veux dire, ça n'a pas été évident comme ça de chanter cette chanson. Je ne vais pas la chanter scène, souvent, enfin, souvent sur scène, je peux te le dire, parce que c'est très difficile de. Parce qu'on repense forcément à des choses, et voilà. Et puis, voilà. Donc. D'accord, ouais. Mais cette chanson est également destinée à toutes les mamans du monde. Oui, bien sûr, oui, à toutes les mamans. Elle peut s'adresser à toutes les mamans du monde, et mais de la chanter sur scène, ça ne sera pas facile, ça c'est clair. Bien sûr, oui. J'avais un autre petit message de Daniel, qui me disait que tu prononces une ville à côté de Colmar. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. J'ai pas trop compris. Enfin, je vois plus là. Son message, c'est pas grave. Je prononce une fille d'à côté. Non, pas une fille, une ville à côté de Colmar. Peut-être une ville alsacienne, je sais pas quoi. Que je prononce où? Ben, dans une des chansons. Pas. Non. Mais c'est pas grave. Je revois pas le refrain. Il y en a beaucoup à côté. Hein. Mais bon, il me dit qu'il est partant. S'il fait un gala pour une cause alimentaire, animalière, humanitaire, merci. Alimentaire. Je sais pas, il y a des associations qui s'occupent des animaux. Bon, Cyrielle, maintenant, à notre tour, qui fasse appel à nous. Oui, c'est ça. Non, mais pour une cause humanitaire. Donc voilà, il te contactera. Alors Cyrielle, juste, je voulais te demander quel est ton parcours à toi, je veux dire... Personnel, du coup. Personnel, ouais, si tu veux nous en dire un petit mot. Du coup, maintenant, je suis actuellement à Paris, n'importe quoi. Je suis actuellement, du coup, mannequin à Paris. Ouais, d'accord. Et là, je reviens en région parce que déjà, l'Alsace, c'est toute ma vie. Ouais, bien sûr. J'ai beau essayer d'en partir, j'arrive pas. Ouais. Donc j'y reviens toujours. Et notamment, je passe une élection de Miss... qui se déroule du coup le 25 mai à Breitenbach dans le Haut-Rhin. Donc ce sera pour Miss Élégance Haut-Rhin. Ouais. Et donc si vous voulez venir me soutenir, ce sera avec grand plaisir. J'ai besoin d'un maximum de soutien dans la salle. Ouais. Donc c'est 11 euros l'entrée. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ma page Facebook. Donc ça s'appelle Cyrielle Barros, candidate Miss Élégance Haut-Rhin. D'accord, bah on ira regarder. Et du coup dessus vous avez le lien de réservation pour les billets. Et il faut se dépêcher parce qu'il y a bientôt plus de place. Et pour les animateurs, il n'y a pas de mi-tarif. Non, on peut toujours vous inviter. Non. Oh. Ça s'arrange. Oui. Pourquoi pas. Alors, rappelle-nous le nom de la ville. Breitenbach. Oui, c'est à côté de. Alors ça, je sais bien prononcer Breitenbach. Enfin, c'est pas très difficile, mais c'est assez étonnant pour un gars des Vosges. Attends, Denis, j'ai du sang alsacien moi dans les veines. C'est vrai. Ah oui. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que t'es tellement sympathique. J'ai du sang alsacien dans les Vosges. Dans les veines. Dans les veines, parce que ma grand-mère était une pure alsacienne. C'est vrai. Je vous parlais tout à l'heure, tu sais, de la soupe et tout. Ah oui, elle me faisait de la bonne soupe. La mémé. Bref, c'était une pure alsacienne. D'accord. Voilà, ma maman aussi. J'ai eu beaucoup de familles en Alsace qui, malheureusement, bon, beaucoup sont disparues. Sont disparues. J'ai reçu une cousine qui est venue pour une émission. Elle était de passage à Gérardmer. Elle était en formation. Elle est venue me faire un petit coup. C'était sympa, voilà. Mais voilà, non, mais sincèrement, j'ai du sang alsacien et... Patricia peut dire, on était souvent en Alsace. Hein, c'est vrai qu'on aime bien aller se promener là-bas. Voilà. C'est très beau. Il va falloir venir du coup vous promener le samedi 25 mai à 19h. À Breitenbach. Ok. C'est noté. C'est parce qu'attention, le public vote pour le numéro 7. D'accord. Du coup, qui sera moi-même. Et en fait, du coup, voilà, il faut un maximum de soutien. Oui. Et puis on ira boire un coup si vous venez. Et en plus c'est pas très loin. Non, et puis si vous avez besoin, on a un taxi qui fait les jonctions entre les différents villages et Breitenbach. Oui, mais non, mais tu sais, on a un GPS hein, dans la voiture, il n'y a pas de souci. Oui, mais des fois, il y a des personnes qui ne conduisent pas. Oui, ah bah oui, bien sûr. Ou des personnes qui ne se sentent pas capables de rentrer à 23h. Oui. Mmh, bien sûr, c'est vrai. Et ça se finit à 22h, hein, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a un coup à boire ou il y a quelque chose à boire? Si je gagne. Ah, oui. Ah d'accord. Et ah, sinon, il y aura sur place une petite collation. Une petite collection, d'accord. T'emmènes si elle gagne pas, prévois ton tupperware. Mais tu ne prévois rien du tout parce qu'elle va gagner. C'est vraiment une élection qui me tient à cœur aussi de par déjà le chiffre 7, qui est un chiffre très important pour moi. D'accord. C'est la naissance du coup de mon grand-père et de ma sœur. Et mon grand-père étant disparu, justement, je fais également cette élection pour lui. C'est bien. Et voilà, c'est. Puis ma région, c'est comme dit, hein, j'essaie de la quitter, mais il n'y a pas moyen. Parce que là, tu vis. Enfin, t'es sur Paris. Tu es sur Paris. En fait, la semaine, je suis sur Paris, mais le week-end, je suis ici en Alsace. Il faut revenir en Alsace. Bah, le truc, c'est que voilà, c'est grâce à cette élection, on va dire, je repasse encore plus de temps ici, du coup. Oui. Et ce qui n'est pas plus mal. Bah oui, bien sûr. Il y a mes parents, forcément, il y a Denis qui sont là. Et puis, voilà, et puis, il va falloir rassurer. C'est ça. Pour les concerts et tout, voilà. Puis là, du coup, on commence par l'élection au Rhin. Pour ensuite représenter l'Alsace, donc à l'élection Alsace pour partir à France. Ah d'accord, c'est bien. Voilà. Oh, on va suivre. Donc oui, tout se passe sur ma page Facebook. On va suivre Cyrielle et puis voilà. Alors, oui, juste un petit détail, est-ce que tu l'as bien regardé, Cyrielle? Je ne fais que ça. Regarde. Là, il y a du soleil en plus, ça se voit. Je ne fais que ça. Ah oui, en plus. Alors, je vais quand même dire. On découvre le vrai Gilles, hein. Oui. Non, mais toujours un petit peu. Un peu charmeur, je vais dire, mais toujours gentiment. Oui, c'est voilà, bien sûr. Non, mais t'avais dit, Denis, si tu viens pas avec Cyrielle, je ferme la porte du studio. Je te l'ai dit. Hein. Regarde là. Je ne faisais pas d'émission. Tiens, regardez-vous dans les yeux. Oui, mais où ? Regarde. Non, mais. Écoute, c'est rien de mal. Patricia est là. Sérieusement, mais... regarde-la dans les yeux. Oui, elle a des beaux yeux, Cyrielle, c'est ça. Qu'est-ce que tu as remarqué ? Écoute, je la regarde, mais elle est en train de m'hypnotiser là. Gilou. Non, mais quoi. Mais je dirais, elle a des beaux yeux. Elle a un œil de chaque couleur. Elle a un œil de chaque couleur, mais j'avais ça pas vu. Ça porte un nom quand même. Ah oui, alors, d'accord. Ça s'appelle. Normalement, ça s'appelle les yeux Véron. Oui. Mais le Véron, c'est pour les verts et bruns. Oui. Et comme moi, du coup, c'est brun, vert et bleu. Bah, voilà. Du coup, c'est hétérochrome. D'accord. Donc c'est extrêmement rare. Oui, non, mais c'est vrai que j'avais pas bien regardé. Non, mais j'avais pas bien regardé. Voilà. Je regarde les yeux, le sourire, tout ça, mais j'avais pas bien vu qu'il y avait deux. Faut tout apprendre, Gilou. Il y a tellement de choses à regarder chez elle. Bah, là, on voit les hommes. Hein. On va se calmer. Moi, je suis content que Patricia soit là parce que t'imagines, elle est à la maison, elle m'écoute. Je sais pas trop. Hein. Le divorce est signé là. Et elle est paf. Non, ça va. Et puis j'en profite aussi pour la remercier parce que. Je veux dire, je l'ai déjà dit, quand on prépare l'émission, enfin quand je prépare l'émission, enfin tu sais ce que c'est, toi Denis bien sûr, c'est encore autre chose, moi je fais une émission en toute simplicité, enfin j'aime bien, mais tu sais, t'es dans une petite bulle, et puis moi j'aime bien faire les choses correctement, enfin j'essaye de faire les choses correctement, oui, c'est clair. Et c'est vrai que pour les conjoints, il faut être patient. C'est vrai que souvent, Patricia me rappelle, me dit on mange, et puis je suis encore sur l'ordi, et puis, puis voilà quoi. Non, mais c'est vrai, donc non, mais elle a beaucoup. Ça, c'est manque de soupe, voilà. Elle a beaucoup de. Chez moi, c'est pas différent. Hein. Elle a beaucoup de patience et je la remercie pour ça aussi. Chez moi, c'est pas différent, Louane. Oui. Ouais, c'est ça, les artistes. Hein. Bah, moi, ça m'arrive tellement que. Enfin, moi, j'ai pas de famille du coup à Paris, oui. Que du coup, mon chat me dit pas de bien manger, du coup, je voulais manger. J'oublie de manger et des fois je passe 10 heures sur mon ordinateur. Du coup, je m'oublie. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il faut de la patience. C'est vrai qu'on est tellement pris par ça. Que c'est vrai que. Voilà. C'est une passion. Hein. Ah, bah, c'est une passion. C'est un bonheur de pouvoir vivre sa passion. Ah, bah, bien sûr. Ouais. Alors, on s'écoute une petite chanson. on va faire un petit tour en bateau. Oui. Hein, ça serait pas mal. Ola sur mon bateau, je suppose. Ola sur mon bateau. Allez, on écoute. J'ai le mal de mer. Ça tangue et ça secoue. Oh là, sur mon bateau, essaie de tenir debout. Oh là, sur mon bateau, là tous ensemble on fait les fous. Et là, l'on l'a, et là, l'on l'air, on sert pas que de l'eau, grand-père. Et là, l'on l'a, et là, l'on l'air, lève plus haut ton verre. Toutes les femmes rêvent de toucher notre pompon. Mais avant ça, faut qu'elles grimpent sur le pont. Et nous, on chante avec l'accordéon. Voile dehors, ce refrain en caleçon. Oh là, sur mon bateau, ça vire, ça tangue et ça secoue. Oh là, sur mon bateau, essaye de tenir debout. Oh là, sur mon bateau, là tous ensemble on fait les fous. Et là, l'on l'a, et là, l'on l'aime, on sert pas que de l'eau, grand-père. Et là, l'on l'a, et là, l'on l'aime, lève plus haut ton verre. pas cher demande le prix aux filles. Et nous on danse avec l'accordéon, toute voile dehors là-haut, coup du canon. Oh là sur mon bateau, ça vire, ça tangue et ça secoue. Oh là sur mon bateau, essaye de tenir debout. Oh là sur mon bateau, là tous ensemble on fait les fous. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, on sert pas que de l'eau grand-père. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, lève plus haut ton verre. Oh là sur mon bateau, ça vire, ça tangue et ça secoue. Oh là sur mon bateau, essaye de tenir debout. Oh là sur mon bateau, là tous ensemble on fait les fous. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, on sert pas que de l'eau grand-père. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, lève plus haut ton verre. Oh là sur mon bateau, ça vire, ça tangue et ça secoue. Oh là sur mon bateau, essaye de tenir debout. Oh là sur mon bateau, là tous ensemble on fait les fous. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, on sert pas que de l'eau grand-père. Et là l'on l'a, et là l'on l'air, lève plus haut ton verre. Oh là sur mon bateau, ça vire, ça tangue et ça secoue. Et ça secoue, voilà. Donc c'est bien avec les gars de la Maurine, hein, voilà. Denis, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, de ce CD, de ce nouveau CD c'est là. C'est une belle émission. Ouais. C'est une belle promotion en tous les cas. Donc je rappelle www.denissimon.fr. Ouais. Mm-hmm. Ça c'est mon site internet ou alors Denis Simon et les gars de la Maurine sur Facebook. D'accord. Ouais. Voilà, donc sans aucun problème. Demandez-moi en ami ou achetez le CD. Enfin, venez nous voir en prestation. Enfin, voilà. Donnez-nous vos nouvelles et voilà, ça nous fera vachement plaisir. D'accord. Donc je rappelle que bien sûr, bon, le podcast sera sur notre page, sur la radio officielle, bien sûr. Le live Facebook aussi. Donc à revoir, je pense, peut-être ce soir, hein, ou alors demain ou plus tard. Pour nous, ça sera difficile ce soir, on le fera dès demain. Donc, on va écouter une dernière chanson, Denis. Je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. Ça, donc, moi, je suis ravi d'avoir pu travailler avec ta technicienne. Qui fait un super bon travail. Oh, bah, merci, c'est gentil. Et qui est très sympathique et souriante. Et merci beaucoup. Ça, c'est très important vrai, pour les gens qui parlent. Oui, c'est vrai. C'est vraiment très important d'avoir l'ingénieur du son en face qui est très souriant, ça me plaît beaucoup, je reviendrai. Ah bah, avec plaisir. Denis, t'oublies pas le chèque. Je vais voir ce que je peux faire. Je plaisante. Alors, on va s'écouter une dernière chanson, puis après on se dit au revoir, ok? On écoute une chanson et on se dit au revoir. On se dit au revoir après. On, hein, on se fait des bisous aussi. On se fera des bisous. Des cus. Voilà. Des schmutz à la. Cus. Attends, elle va te le dire. Donc, elle va te le dire en alsacien. Oui. Des schmutz. Les schmutz, ah oui, ouais, je connaissais un petit peu l'alsacien, bah, de par ma grand-mère, bien sûr, voilà, mais un peu plus l'allemand. Mais bon, voilà. Alors on écoute, merci pour tout. Merci. Faire monter comme ça. Balance le son, chante avec moi. Merci pour tout. Merci beaucoup. Ce serait rassera de ce qui t'est sur cette chanson. La la la la la. Merci pour tout. Merci pas. Balance le son là jusqu'aux plages du Sahara. C'est vrai, je suis con, j'avais pas réfléchi à ça. La mer, c'est con, c'est retiré déjà. Merci, merci pour tout. Merci, merci beaucoup. Ce serait rassera de se quitter sur cette chanson. La la la la la. Merci, merci pour tout. Merci, merci beaucoup. Comme vous avez bon goût, on va remettre ça. Cette chanson, la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eh bien voilà, Donc voilà, merci, merci pour tout. Ben moi, je voulais vous remercier, enfin te remercier, Denis, bien sûr, d'être présent. Remercier Cyrielle aussi, d'avoir été présente aussi dans nos studios. Merci de nous avoir accueillis. Louane aussi, qui a merci. Toujours un sourire aussi. C'était un plaisir. C'est, vraiment. Pour moi aussi, pour nous aussi, c'était un plaisir de vous recevoir. Voilà, c'est. Je pense que ça. J'ai eu plaisir à préparer cette émission. Écoute. Voilà, avec bien sûr ces belles chansons et puis aussi avec le cœur. Très bien, ça, c'est vraiment très très très très très très gentil. Vraiment, ça change, l'état d'esprit est différent par rapport aux dernières interviews que nous avions fait ensemble. Oui, bien sûr. Mais voilà, on voit que c'est préparé avec le cœur, on voit que tu as été content. Oui, tout à fait, non, mais c'était vraiment un grand plaisir. Ouais. Bon, c'est vrai que je plaisantais tout à l'heure, j'avais dit, bon, si Cyrielle ne vient pas, je ferme la porte du studio. Oui, mais c'était. On est content de l'avoir eu, Cyrielle, bien sûr, mais si Cyrielle n'avait pas pu venir, bien sûr, je t'aurais accepté. Denis, je plaisante et j'ai mis à toujours la bonne humeur dans mon émission. De toute manière, j'avais la perceuse dans la voiture. Ah, d'accord. Il y aurait pas et le pied de biche. Et le pied de biche. Tu dis pas, on sait qu'on est garé, pas tout. Tu dis rien. Mais nous, on est garé juste devant. D'accord. Voilà, ben merci encore à tous les deux, à tous les trois. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve bientôt. Merci, d'accord. Merci à toi Gilles, ouais. Merci à notre caméraman et merci à notre technicienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et ne changez rien, restez comme vous êtes. On vous embrasse et merci à tous les auditeurs. Et on garde le sourire. D'avoir écouté, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Alors, bye bye, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Voilà, bonsoir à tous, à jeudi prochain. Au revoir. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales.